des vapeurs d'alcool. Dans les boîtes on fumait. Il y a des filles qui s'envolent sans vouloir se donner. Il y a la musique qui frappe dans la cage du DJ. Il y a des rires et des claques, des loups et des blasés. Et il y a des vapeurs d'alcool sur les rythmes africains. Des lolas qui s'amènent dans leurs vieux jeans usés. Des lolitas qui s'aiment sans vouloir se cacher. Y'a du feu dans les veines, des accros de fumée. Et y'a les swings à l'envers jusqu'au petit matin.